Qu'est-ce que vous offrez à la famille Dubois ? Nous offrons un vélo à Laura et maman offre un dîner aux parents. Tu ouvres le paquet et nous découvrons ton cadeau ensemble, d'accord ? Vous avez mal ? Non, nous ne souffrons pas. Mais Léo, lui, il souffre un peu.